Je vous ai prié de venir, mon bon et cher monsieur Crevel, dit la baronne d'une voix troublée, pour une affaire de la plus haute importance. Je la devine, madame, dit Crevel d'un air fin, mais vous demandez l'impossible. Oh, je ne suis pas un père barbare, un homme, selon le mot de Napoléon, carré de base comme de hauteur dans son avarice. Écoutez-moi, belle dame, si mes enfants se ruinaient, pour eux, je viendrais à leur secours, mais garantir votre mari, madame, c'est vouloir remplir le tonneau des Danaïdes, une maison hypothéquée de 300 000 francs pour un père incorrigible. Ils n'ont plus rien, ces misérables, et ils ne se sont pas amusés. Ils auront maintenant pour vivre ce que gagnera Victorin au palais. Qu'il jabote, monsieur votre fils. Ah, il devait être ministre, ce petit docteur. Notre espérance à tous. Joli remorqueur qui s'engrave bêtement, car s'il empruntait pour parvenir, s'il s'endettait pour avoir festoyé des députés, pour obtenir des voix et augmenter son influence, je lui dirais « Voilà ma bourse, puise, mon ami, mais payez les folies du papa, des folies que je vous ai prédites. Ah, son père l'a rejeté loin du pouvoir, c'est moi qui serai ministre. »